c'est vraiment parce que j'ai fait. Mais il y a des choses qui ne trompent pas. Des regards entendus, des pensées contenues, des mots qui cassent à chaque faux pas. Et puis des plus tard on verra. Mais elle m'abandonne. Je cherche.